Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, édition spéciale. Hein? Ici Mathieu Plante. Cette semaine, on oublie la chronique télévisuelle Television, la chronique de sciences, technologie, médecine, merci science, le segment Geek Cynics ainsi que les chroniques de nos collaborateurs Samuel Girard et Frédéric Simon. On va remettre ça plus tard, hein? Ça s'en vient une autre fois. Vous vous souvenez peut-être, il y a un bout de temps, c'était à l'hiver 2015, j'avais joué la collection musicale Spin Dash, c'était super bon, ça avait vraiment bien marché. Et bien, bonne nouvelle, il y a une suite qui vient de sortir qui s'appelle Spin Dash 2, sortie en juillet 2017. Là. Donc, dans cette édition spéciale, on va entendre la majorité du premier album et puis la totalité du deuxième album. Donc, commençons par le premier. Il est très long, 1h15 environ, donc on n'aura pas le temps de le jouer au complet si on veut avoir le temps de jouer la deuxième compilation qui, elle, dure 58 minutes. Donc, commençons avec un premier bloc. Tiens, ça, il me semble que ça commence bien. Hein? Donc, on écoute comme premier extrait. Où est le premier extrait? Il manque le premier extrait. On va jouer avec le deuxième extrait, là. Voici Blind avec Prototype, Raptor, Scrap Brain Zone. Tout de suite. C'est quoi? C'est la troisième? Qu'est-ce qui se passe, là? Il m'en manque une, hein? Ouais, c'est ça, il m'en manque une. Génial. Donc, K-Matrix, tout de suite. Prototype, Raptor, MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est fou. Ah, c'est ça. Ça, c'était la... J'ai joué la deuxième tantôt. Ça, c'est la troisième. Voilà. We'll be right back. C'était Phonetic Hero avec Proud. Inspiré de la pièce Aquatic Ruin Zone et Ice Cap Zone de Sonic 2. Avant ça, on a entendu Flex Style avec Antifreeze, basé sur Ice Cap Zone et Chemical Plant Zone de Sonic 3. Au Mathieu Plante Show, on écoute la compilation Spin Dash Volume 1 pour commencer, produit par DJ Cotman. C'est 16 remixeurs de jeux vidéo dans plein de styles différents, que ce soit de la musique dance, du future bass, du D&B, du house, du trance et même du dubstep. Vous allez reconnaître plein de bonnes pièces. Voici DJ Cotman avec Arabian Skies au Mathieu Plante Show. We'll be right back. Joshua Moore, c'est Stardust, inspiré de la pièce Stardust Speedway sur Sonic City. On écoute The Spin Dash, la compilation de pièces de Sonic the Hedgehog au bon vieux Genesis. C'est réalisé et masterisé par DJ Cutman. C'est sur gamechops.com/spindash. Gamechops est dans l'étiquette qui édite ce disque. Et on continue avec Rob KTA. Voici Summer Knocking tout de suite. MPS, le Mathieu Blanchot sur C'est Fou. We'll be right back. C'est fou! 89. Amy's Toxic Cave, VIP Mix par Ben Briggs. Extrait de Sonic Spinball Toxic Caves. Avant, c'était Rob KTA avec Summer Knocking, basé sur Knuckles Chaotix Door into Summer. On écoute la compilation Spin Dash, présentée par King Chops. Vous connaissez plein de pièces de Sonic the Hedgehog et datant de l'époque du Genesis, oui, comme Chemical Plant et Ice Cap Zone. Il y a aussi quelques mix de jeux plus récents, dont Sonic Adventure 2 et Sonic Colors. Continuons tout de suite avec DJ Joe. Voici Green Hill Zone, où Mathieu Planchot. Thank you. DJ Joe avec Green Hill Step, basé sur Sonic the Hedgehog, Green Hill Zone. On continue avec ma préférée, toujours dans la compilation de Game Traps, Spin Dash Volume 1. Je l'adore, celle-là. Voici Graham Crafty, Escape from the City, au Mathieu Plante Show! Just keep on moving ahead. No traffic flashing, so no nothing. C'était un case, oui, avec Unlimited Colors, inspiré de Sonic Colors, Planet Wisp. Avant ça, Grimecraft avec Escape from the City, ma préférée, me fait triper, de Sonic Adventures 2, City Escape, tout ça sur la première compilation Spin Dash, gamechops.com/spindash pour la télécharger, c'est 10$. Ça vaut vraiment la peine, je l'écoute tout le temps. On revient dans quelques instants avec la compilation numéro 2, Spin Dash, MPS, le Mathieu Plante Show, restez là. Vous êtes assez fou. 89. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Vous êtes dans une édition spéciale du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. En première heure, on a entendu la compilation Spin Dash volume 1. Évidemment, il n'y avait pas le nom volume 1 parce qu'on ne savait pas que c'était le volume 1 de 2. Hein. Pour l'instant, 2. Hein? Pour l'instant. Donc, on n'a pas entendu les pièces 14, 15 et 16, les trois dernières pièces de l'album, parce qu'ils durent quand même assez longtemps, 1h15 environ. Donc, on a sauté par-dessus Tony Lays avec That Egg, though. Ensuite, Micah avec Space Boss. Et pour terminer, Pixelator avec Good Future Jam. Vous pouvez les retrouver, comme j'ai dit tantôt, sur gamechops.com/spin-dash. Mais cette deuxième heure sera dédiée à la deuxième compilation qui dure pas mal exactement une heure. C'est environ 58 minutes. Donc, c'est toujours réalisé par DJ Cutman avec Mustin. C'est 16 producteurs de partout dans le monde qui s'assemblent grâce à leur amour de ce porc-épic bleu qu'on appelle Sonic the Hedgehog, les jeux, la musique et tout, gamechop.com/spin-2. Donc sans plus tarder, allons entendre un premier bloc qui commence avec Hyper Potions. Voici Tropical Resort de Sonic Colors au Mathieu Plante Show sur C'est Fou 89.1 FM. Blind avec Starlight, Star Bright, inspiré de Starlight Zone de Sonic the Hedgehog. Avant ça, c'était Todd avec Funky Robo, basé sur TR-101 de Sonic Adventure. Et maintenant, voici Micah, Angel Island de Sonic 3 au Mathieu Planchon. We'll be right back. Rob Katie avec King of the Mountain, basé sur Ice Cap Zone dans Sonic 3. Avant, c'était Flex Style avec Aquafire, basé sur Royal Ocean Zone de Sonic the Hedgehog 2. On écoute la compilation Game Chops Presents Spin Dash 2 sur la musique de Sonic the Hedgehog. Et on continue avec Steven Silo. Voici Marble Zone de Sonic the Hedgehog tout court pour Mathieu Planchot sur C'est Fou.

Glitch X City avec Crisis City de Sonic the Hedgehog 2006. Avant ça, c'était Grimecraft et Chemical Plant de Sonic the Hedgehog 2 dans la compilation Spin Dash 2 sur GameChops.com, /Spin Dash 2 au Mathieu Plante Show. Il nous reste encore quelques pièces, on se dépêche, je sais qu'on va vite, mais c'est tellement bon que c'est pas grave. Voici DJ Supersonic avec Flying Fusion de Sonic 3 au 89 FM, c'est fou. non, c'est pas Miami Vice ou l'autre série des années 80. C'était DJR avec Totally Rad, basé sur Radical Highway de Sonic Adventure 2. Et on a débuté avec General Offensive avec Flying Battery de Sonic 3, featuring Joshua Tai-Pale. Oh, l'autre avait un featuring aussi de Holo. Maintenant, on écoute Tetra Case, toujours dans la compilation Spin Dash 2 de Game Chops. Donc sur gamechops.com/Spin Dash 2. Tetra Case, Seven Rings de Sonic and the Secret Rings. Pour Mathieu Blanchot. We'll be right back. Curly avec Planet Wisp sur l'album. Pas sur l'album, oui, bien sur l'album, en fait, Spinach 2. C'est les jeux Sonic Colors. Avant ça, c'était DJ Cotman avec K.O. Garden. Ça vient de Sonic Adventure 2 Battle featuring Breakbeat Heartbeat. C'est la fin de la compilation, ou presque, Spin-Dash 2, présenté par GameChops. On retrouve ça sur gamechops.com/spin-2. On va se quitter à la fin de l'émission avec Sylvester Dragon Jr. et les dauphins de l'aqueduc secret, basé sur Hydro City Zone du jeu Sonic 3. C'était tellement bon, on a adoré ça pendant les deux dernières heures. On écoutait donc les deux compilations Spin-Dash, dédiées à la musique de Sonic the Hedgehog. Mais c'est là-dessus que ça se termine pour aujourd'hui. On se retrouve à la semaine prochaine, toujours les mercredis entre 15h et 17h. On rappelle les jeudis à midi, les mardis à 10h et les samedis à 9h. Je vous retrouve aussi à Assemblage Rocky les jeudis de 14h à 17h tout l'été. Consultez la programmation complète sur cif.ca. Retrouvez les notes de l'émission des balados diffusion sur assemblagerocky.com. Pour les gens du mercredi, restez là pour Audiomatique. Ça sera bien dans quelques instants à partir de 17h de la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Comfort. Mathieu Comte, c'est le Mathieu Comte et vous avez été plantés. Bye bye!